Ce samedi 2 février, 20h, le multi-concessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite du MGR Express de Saguenay au complexe sportif du secteur Dolbeau. Prix d'entrée seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Soyez le 7e joueur. Multi-concessionnaire MGR Express, une présentation du restaurant Cocrotti des promenades du boulevard. Go, multi, go! Prix orange, prix citron, ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas fait pour toutes sortes de raisons. Mais, il y a une semaine que Marc était malade et les deux dernières semaines, c'est moi qui ne pouvais pas. Congé, petite vacances et également maintenance d'ordinateur. Mais on va recommencer nos bonnes habitudes à partir de cette semaine. On va parler avec Marc Diquet. Salut Marc. Salut Dany, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. J'ai hâte d'avoir tes prix orange, tes prix citron. La semaine, ça a été prix citron, ça a été assez difficile à trouver cette semaine, mais heureusement, je pense qu'on on va en avoir. Ils vont souvent revenir mon prix citron de la semaine. Je pense qu'ils vont avoir un abonnement, mais on va commencer avec les tiens. Ben écoute, mon prix citron, puis c'est pas un gros citron, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qui me tombe ses nerfs. C'était bien sport. Okay. Bien sport, on l'émission de Jean-Charles. Ouais. Bon, vous pouvez aimer ou pas Jean-Charles, rendu là, c'est une chose ou l'autre. Ouais. Mais c'est quand on sert de leur site et de leur Facebook pour faire des nouvelles avec l'opinion de Jean-Charles. Oui, ça c'est vrai, ça. C'est pas une. Tu sais, ce qu'on fait présentement, de c'est pas de la nouvelle, là. Non. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça une nouvelle, là. Que Jean-Charles soit bien fâché à cause d'une bagarre à Boston, là. Oui, honnêtement, je m'en sac. Tu sais, c'est pas une nouvelle. Tu sais, j'ouvrirai pas mes sports le matin à Kik en parlant de Jean-Charles qui est fâché parce qu'il y a une bagarre à Boston. Mais les sports sont bons là-dedans, puis je sais pas, tu sais, dans le fond, qui suis-je pour dire une chose comme ça, mais côté stratégie publicitaire, je suis pas sûr que c'est la bonne chose à faire, tu perds la crédibilité quand tu fais les affaires de même, à mon avis, à moi, puis je comprends pas pourquoi qu'on fait ça, tu sais, moi, comme je te dis, de show à Jean-Charles, c'est une chose. Ouais. Mais de commencer à le mettre partout pendant les games de hockey. Là, watch out, pendant les games de hockey, tu connais TV Sports, vous n'avez pas fini de le voir. Là. Ouais, Jean-Charles va dire ça, puis ça va être une nouvelle. Tu sais, ben oui. Mais t'as tellement raison. Hey, j'avais pas pensé à celle-là, mais t'as tellement raison. C'est tellement drôle. Là. Parce que, tu sais, tu regardes les médias sociaux, TV Sports, ils s'aident pas non plus, hein. Mais non, c'est pas en tout, pas en tout. C'est on veut des clics, mais je pense que TVA Sports, le problème depuis son arrivée, c'est que on dirait qu'RDS, c'est CNN à côté de TVA Sports, là, puis c'est pas normal, je veux dire, tu sais, ça reste quand même juste du sport, ouais. Mais on dirait que, je sais pas, il y a de quoi que, tu sais, les gens sont durs avec TVA Sports, là. Je trouve pas si pire que ça. Je trouve que les gens sont durs. Oui, t'as raison, les gens sont durs avec TVA Sports. Parce que, oui, le hockey, c'est un petit peu énervant. Par contre, il n'y a pas un que le hockey, là. Au soccer, ils sont très bons. Ils sont très bons aussi. Moi, Jacques Doucet, Roger Brulotte, j'aime. Denis Cazavant est très bon. T'aurais juste à changer Denis Cazavant puis le mettre sur la première équipe, là. Puis ça ferait toute une différence. Ben, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, je veux dire, TVA Sports, le problème, c'est que c'est les artisans qui sont là sont très bons. Mm. Il y en a plusieurs qui sont très bons sont là. Mais il y en a d'autres que ça. Mais c'est quoi le... On veut vendre des vedettes, mais c'est pas ça, là, le but. Là, le slogan de TVA, c'est quoi? La télé des émotions. Ouais. Ouais, mais maintenant, c'est devenu ridicule un peu, là. Hein? En tout cas, tu sais, moi, comme je te dis, qui suis-je pour donner des grandes leçons de marketing et des choses comme ça? Mais, tu sais, ils ont des bons artisans, mais on dirait que des fois, on les met pas à bonne place, puis ils sont trop dans l'ombre, puis c'est... Je sais pas. Semble-t-il que j'ai vu ça passer cette semaine. C'est un site plus ou moins... Tu sais, il faut faire attention sur Internet, là. Il y a des sites un petit peu bizarres, là. Mais selon... Tu sais, c'est pour ça que je mets ça avec un gros « si ». Mais selon certaines informations, les codes d'écoute de Jean-Charles seraient très décevants. Ben, moi, ce que j'ai eu, c'est quand même... Ben, décevant. Je veux dire, tu sais, il prend une case horaire que c'est complètement à terre, là. Moi, ce que j'ai eu comme info, il fait du 20 000, puis RDS fait du 40 000, puis avant, c'était à 5 000. Fait que c'est quand même pas pire, là. Je veux dire, il a quand même monté de 15 000, là. C'est pas... c'est pas des. D'abord, n'oubliez pas une chose, là. C'est un poste payant TVA Sport. Ouais. Fait que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a TVA Sport à la maison. Moi, ma mère, chez elle, à RDS, elle n'a pas TVA Sport. C'est pas tout le monde qui a TVA Sport non plus. Non. Faut pas oublier ça. Non. Puis, tu sais, c'est des émissions sur heure d'écoute où ce que traditionnellement, les gens écoutent les nouvelles. Les gens regardent les nouvelles à cette heure-là. Moi-même, j'ai pas les réflexes d'aller regarder le 5 à 7 ou l'émission à Jean-Charles à cette heure-là. Non, non, c'est sûr. Tu sais, je fais à souper. Je suis occupé. Tu sais, je veux dire, c'est puis pas. Le show de 2 heures, c'est long. C'est très long. Mais, tu sais, je vais donner ça à Jean-Charles. Au moins, il n'est pas juste focus canadien. Ouais. Puis ton prix orange. Mon prix orange, je pense qu'on va avoir le même. Oui, puis pour les mêmes raisons. Oui, ben c'est Samuel Girard qui, au lieu de partir une semaine dans le sud avec ta blonde, a décidé de devenir aider son père d'un tournoi de poche qui a été un grand. Écoute, ce tournoi, moi j'ai jamais entendu parler de tournoi de poche aussi intensément que celui-là. Ouais. C'est quand même quelque chose. Puis tu sais, il était impliqué dans la région, puis il parle à tout le monde, puis tu sais, il a laissé les autographes à Alma. Il était pas obligé de faire ça. Puis il s'implique, puis c'est le fun. Tu sais, ce gars-là a du talent sur la glace, puis il est accessible hors glace pour les gens de la région. Tu sais, c'est formidable ce que Samuel Girard fait pour la région, puis pour lui aussi. Tu vois que c'est des gens qui, malgré. Bon, je pense pas qu'il est millionnaire encore. C'est une question de temps, mais je pense pas qu'il est. Il doit pas être dans la rue non plus. Ah, c'est une question de temps, là. Dans le jeu, on n'est pas inquiète, là. Mais tu sais, malgré les succès, malgré tout, ben, il reste quand même proche des gens. Puis ça, honnêtement, moi, je trouve ça le fun. Ouais. Puis tu sais, il y a des gens qui auraient dû avoir. Écoute, il y a des hockeyeurs de la région que s'il y aurait eu 50% du charisme, je sais de qui tu parles, je ne le nommerai pas, mais tu dois savoir de qui je parle, là. Serait des dieux aujourd'hui. Puis malheureusement, quand ils viennent ici, ça passe inaperçu. Ben, tu parles juste de l'ancien numéro 15 des Sags? Je te parle de l'ancien numéro 16 des Nordiques. Ah, M. Goulet? Oui. Ah, non, moi c'est drôle, j'ai jamais eu de problème, en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec. Là, non, mais tu sais, il a compté 547 buts, puis il n'y a rien. Tu trouves ça normal? Ah, ok, tu veux dire que Robert Val avait pris mon corps, rien fait? Rien fait, puis à quelque part, c'est un peu la faute à Michel. Ben, ça, je sais pas, mais. On verra plus jamais ça, 547 ben, buts. Ben, regarde, on va mettre. Si tu veux qu'on parle de Michel Goulet, on va en parler. Moi, à chaque fois que j'ai eu affaire à y parler, ça a super bien été. Je peux pas dire un mot comme Michel Goulet. Mais par contre, qu'il n'y a rien péri mon cas. Effectivement, c'est une farce, là. Je veux dire. Tu sais, même si Michel, tu sais, je me suis rendu là, c'est pas à Michel Goulet de vouloir ou non qu'il se passe de quoi à Péribonca avec lui. Là, je veux dire, si la ville décide qu'ils font une place Michel Goulet ou une rendu là, il y a pas. Tu sais, non, moi, c'est vrai que c'est pas normal. Mais il y a un peu de la faute à Michel aussi. Mais ça, je suis pas au courant. Comme je te dis, ça, je suis pas au courant. Ouais. Mais il y a deux visions là-dedans. Hein, parce qu'il y a des endroits qu'on veut pas. Là, Saguenay s'est rendu comme ça, là. Tant que t'es pas mort, ben t'as rien à ton nom. Ouais. Je trouve plate un peu, là, surtout rendu à la fin de carrière. T'sais. OK. Mais en tout cas, donc, c'est ça que... Moi, je pense qu'il y a des gens qui auraient dû... C'est de valeur, parce que 547 buts dans la Ligue nationale, t'en verras plus jamais ça, là. Dans l'autre ben, ligue. Ben, on sait jamais, mais je penserais pas. En tout cas, pas à court terme. Pas à court terme, ça c'est sûr et certain. Moi, mon prix citron, c'est le même. C'est Marc Diquet de Radio X pour avoir avoué sur les ondes que ça coûtait 400$ par mois. Non, blague à part. Ben, au coup, notre coupe au complet, là, pas juste moi, là. Madame aussi. Blague à part, c'est les Alouettes de Montréal. Encore une fois, parce que les Alouettes, hier, arrivées, puis en plein vendredi soir, changé de logo. Premièrement, une annonce le vendredi soir, ça pogne pas. Puis deuxièmement, le week-end du Super Bowl, comment noyer une nouvelle? Non, c'est excuse, ben là, encore là, je vais dire, qui suis-je? Quelle gang d'idiots, hein, pareil. Tu fais ça en fin de semaine, ça... Hey, écoute, t'as passé dans le beurre, là. Ouais. T'as passé dans la margarine, puis t'as passé dans le slush. Ça, c'est passé dans le slush. C'est incroyable. Ouais. En plein vendredi soir, le week-end du Super Bowl. Non, c'est... Puis premièrement, c'est pas sûr que les gens, c'est ça qu'ils veulent. Là. Les partisans des Alouettes, c'est pas une nécessité. Là. Je pense qu'il aimerait bien mieux avoir un congédiement du directeur général que de changer de logo. Là. Ouais, là, écoute, de toute façon, tu sais, je veux dire... Alors, écoute, il n'y a rien d'excusable là-dedans. Tu sais, comme toi, tu fais ça. Tu sais, le logo, là, moi, je l'ai vu un matin, j'ai vu de bon, OK, tu sais, je dis. Il va m'aider, par exemple. Ouais, ouais, pas payé. Ouais. Tu sais, donnez-nous des victoires, quelque chose, parce qu'elle était passée. De l'espoir, de l'espoir. Non, c'était pénible, là, pareil, les Alouettes étaient passées. Non, puis je pense qu'on n'a pas fini, parce que moi, ça fait deux semaines, depuis le début de l'année, qu'ils ont déjà. Ils ont déjà deux prix citron, puis je pense qu'on l'a pas fini, là. Oh, mais c'est qui le carrière, là? C'est Johnny Manziel, encore. Puis il va être là? Il reste une année de contrat. Probablement sa dernière année, parce que moi, je pense qu'il va jouer dans l'XFL l'an prochain. Il jouera pas dans les Canadiens. Il jouera pas dans l'NFL. Il est pas fait pour la NFL, selon moi. Mais dans l'XFL, je pense que ça va être une tête d'affiche de l'XFL. Selon moi, c'est mon opinion, là. Ouais. Marc, on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Notre ami Marc Duquet.